Le dad. Ouais. Donc, comme ça qu'on fait, les hommes d'affaires. Remets de l'ordre ici, les hommes d'affaires. J'arrive du 9-3, papier à 4, stylo en main, imagination, rime croisée, plate qui déboule de ma main, tu sais que j'ai pas le choix. Chaque jour, je veux manger du pain, quadrupler mes gains sur ma table, qu'on me serve enfin du vin, gamin. Le pire, quête mes journées, et c'est lendemain, je serais peut-être obligé de vendre ma plus belle veste en dinde, je crois jamais les doigts. Pas de chance que de la persévérance, j'y crois moins que demain, plus qu'hier, depuis mon enfance, la musique coule dans mes veines. Chaque jour, chaque nuit, j'y pense, j'aimerais qu'on me vaccine pour être le MC le plus fort de France, que mes singles soient tubes, hits qui affluent en abondance. C'est à chaque fois qu'on m'écoute t'applause, tout le monde sur la tête qui danse. Quand même, tant de talent pour tant Nathalie. T'es sais qu'on préfère un groupe de petits minets aux bras musclés, boutons d'acné. Ça va pas, il faut que t'aies une police. Un beau triangle bien tracé au-dessus de tes deux boulets de ton pénis. Je crache des rimes de ma gorge, des forges j'en mesure 16. De rap je m'engorge, d'autres vivent du millimètre 16. Crack ou coca, tout sous ma semelle crack. Y'a pas le temps de jouer d'ailleurs, c'est ce qui fait du dad un crack. Je crache des rimes de ma gorge, des forges j'en mesure 16. De rap je m'engorge, d'autres vivent du millimètre 16. Crac ou coca, tout sous ma semelle crack. Y'a pas le temps de jouer d'ailleurs, c'est ce qui fait du dada crack. J'exagère peut-être, on doit donner c'est vrai ce que les gens aiment. Je respecte les autres, mais n'apprécie que ceux que j'aime. Le regard du mortel envers le hip-hop est souvent trop louche. Plus louche pour moi, vu que je suis un de ces rappeurs de souche. Incompréhensible par mon argot, par mon pantalon large. Les vieilles qui promènent leurs kleps me prennent souvent pour un barge. Authentique pas par mon baggy, ni mon caleçon kaki. J'ai grandi comme ça, c'est comme tout bon commerce en paquis. Tout ce que je fais aujourd'hui est né, a été fabriqué d'en bas. Je me nourris d'en bas, et je ne rappe pas que pour ceux d'en bas. Pour des milliers, si Dieu le veut, pour des millions. Tout commence d'Aubervilliers où je rêvais d'avoir un million. Je glande pas, car si je flaire et MC ne vendent pas. J'en connais plein qui pleurent leur mère parce qu'ils ne vendent pas. Mon album sort de l'ombre, tiens tiens, t'es pas gâté. Rime aux couleurs sombres, 9-9, t'as tombé daté. Je crache des rimes de ma gorge, des forges j'en mesure 16. De rap je m'engorge, d'autres vivent du millimètre 16. Crac ou coca, tout sous ma semelle crack. Y'a pas le temps de jouer d'ailleurs, c'est ce qui fait du dada crack. Je crache des rimes de ma gorge, des forges j'en mesure 16. De rap je m'engorge, d'autres vivent du millimètre 16. Crac ou coca, tout sous ma semelle crack. Y'a pas le temps de jouer d'ailleurs, c'est ce qui fait du dada crack. Et si tu ne piches pas, pourquoi on m'appelle D.O.N. Branche ton ouïe et dirige la vers plus de S.O.N. Ne te fiche pas, si d'un cran je monte T.O.N. à la hauteur si je suis pas. Vas-y, crie N.O.N. si tu kiffes mon rap négro. Vas-y, remue ton zen, un rap de souche solide alimenté au kérosène. Mes neurones au scalpel pour en sortir des jeux de mots comme une descente dans rappel. Je descends, file des jeux de mots. Ça fait des années que je bosse mon style et sort de la masse. C'est pas évident quand le freestyle sur Paris prend de la masse. Moi, quand vient la nuit, j'rêve d'être un truand sans saccage. Attitude de gangster, mon gang dégaine la cage. Sur le mic, je perds par le son. Ma vie, je deal dans mes cauchemars les plus godins. MC, la cam, je deal. Je crache des rimes de ma gorge, des forges j'en mesure 16. De rap, je m'engorge, d'autres vivent du millimètre 16. Crac ou coca, tout sous ma semelle crack. Y'a pas le temps de jouer d'ailleurs, c'est ce qui fait du dada crack. Je crache des rimes de ma gorge, des forges j'en mesure 16. De rap je m'engorge, d'autres vivent du millimètre 16. Crac ou coca, tout sous ma semelle crack. Y'a pas le temps de jouer d'ailleurs, c'est ce qui fait du dada crack.